Pito pichu colata. Goti me boni skin. Eko sen in te chanta. Goti me bo problem. O sere me za stava. O se eko te din. Yo nene ka te chanta. Goti me bo problem. Yo nu kan spin. Peruk tu si me ben vi. Kur nu ka dal prejke beke. Din si quat kur kush se nje. Prej besom di. Qet pun veshot me dhe qka ci. Zoti jo tu shku në vurim. Qet pun goti me bo një vurim. Për koncertin un biti. O tu riski me mor me viti. Ditin edhe në ditin. Rime koncerta jetin viti. Ka po sondra me ika më një subu. Qyteti si Santorini po që si ngu. Pla tipa kan tentu po ika bo hor. As një person nuk e kalon. As një person nuk e kalon. I përzin me do apa, apa. Rin me tu si ko pata, pata. E din ka mi ardhnata. Rito pi chocolata. Goti me po një skin. Eko se një të qanta. Goti me po problem. Ose rime za stafa. Ose eko të din. Jo një një ka të qanta. Goti me po problem. La tête pleine de problèmes. Eux ils ont le cœur rempli de haine. Non mis à mort tu sais que je t'aime. Et on m'aime parce que je suis resté moi-même. Claquette tu sais sur tes max. Dans les patates j'ai calé de la ace. J'kiffe quand mon bébé elle me masse. Le dos les pecs et la tête. Un pilote comme le 46. Des munitions d'AK-47. Ici faut pas leur faire la 36. Ça te bannisse t'appelles le 17. Maman je t'aime je te fais un bisou. J'ai plein de projets dans le visir. J'suis en mode rempli la visa. Sur bébé j'aurais dû cacher mon visage. Maman je t'aime je te fais un bisou. J'ai plein de projets dans le visu. J'suis en mode rempli la visa. Sur pépé j'aurais dû cacher mon visage. Rito pi chocolata. Goti me boni skin.